Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbo Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbo Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Je souhaite joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbo Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbo Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. C'est la rétrospective de l'année de mon chum Frédéric Deck. Salut Fred! Salut Danny! Fred, l'année 2019, toi, ça te dit quoi dans le monde du sport? Parce que je sais que tu couvres pour la presse canadienne trois sports, les Alouettes, la boxe et le retour des expos. Des trois que tu couvres le plus, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Écoute, excuse-moi, autant j'aimerais te dire que c'est le baseball qui m'a marqué le plus cette année. Moi, c'est les Alouettes. Je suis obligé de dire que j'ai été agréablement surpris par la tenue des Alouettes de Montréal cette saison. Je m'attendais à... Écoute, ils ne pouvaient pas faire pire que l'année passée, mais ça a commencé tellement tout croche avec le congédiement de Mike Sherman une semaine avant le premier match. Après ça, une semaine plus tard, on a eu le congédiement de Kavis Reed. Rappelle-toi, au début de l'année, Vernon Adams n'était même pas parmi les trois premiers quarts de l'organisation quand le camp d'entraînement a commencé. Alors, moi, là, toute cette saison 2019 des Alouettes, ça a été vraiment ma surprise cette année. OK. Et évidemment, c'est un gars, c'est Kerry Jones. C'est ça que ça me fait penser, pour les gens qui se rappellent pas, moi, c'est drôle, hein? Philippe Alou, lorsque Philippe est arrivé, qui avait remplacé Tom Reynolds, on a vu un changement d'équipe, changement de philosophie complet dans l'équipe. Là. C'était plus le même club pantoute. Ça m'a fait penser à ça. Tu es d'accord avec moi? Oui, je trouve que la comparaison se tient. C'est un gars qui, comme Philippe Alou, connaissait les jeunes joueurs de l'organisation parce qu'il avait été coordonnateur à l'attaque l'année précédente, quand même, Kerry Jones. Et puis, il est arrivé là, il savait de quoi étaient capables les gars qu'il avait sous la main. Et puis, il a orchestré ça là, de belle façon cette année. La seule chose, moi, qu'on peut peut-être reprocher aux Alouettes, c'est, je pense qu'ils n'ont pas gagné deux matchs d'affilée dans la deuxième moitié. Mais, tu sais, écoute, match éliminatoire, un premier depuis 2014 à Montréal. C'est une fiche gagnante pour la première fois depuis 2012. On peut rien reprocher à Kerry Jones cette année-là. On aurait dit que dès que Sherman a quitté l'équipe, les coordonnateurs à l'attaque, les coordonnateurs défensifs, André Bolduc entre autres, les menottes, on les avait comme retiré des menottes. C'est écoute, drôle, hein? Il y a cet aspect-là, toute l'ambiance autour de l'équipe. Là, tu sais, juste nous autres, là, à couvrir les entraînements et les matchs, là, on a senti une tonne de stress partir des épaules de tout le monde. Ça a été, les gars s'amusent à l'entraînement. D'abord, les entraînements sont beaucoup plus courts que sous Mike Sherman. Sous Mike Sherman, ça durait 2h15, 2h30. Quand ça a duré 1h20 avec Kerry Jones, c'est un long entraînement. Les gars, la musique joue à tue-tête. Les gars dansent, les gars rient, les gars s'amusent entre eux. C'est vraiment le jour et la nuit. Écoute, t'avais l'impression de couvrir, écoute, la comparaison est grossière, là, mais c'était comme couvrir un cabinet d'assurance, puis là, on est allé couvrir une équipe de sport qui s'amusait. Ah, regarde, c'est tellement différent. Heureusement, malheureusement, sur la vente, ça progresse pas ben. Moi, je suis déçu que... Ben là, au moment où on enregistre le podcast, puis il reste probablement demain, donc ça se réglera pas avant les fêtes. Moi, je suis déçu un peu de l'histoire de la vente, Fred. Je pensais que ça allait être beaucoup plus vite que ça. Puis on a suspendu la recherche du directeur général. Ça laisse planer que probablement que c'est pas prêt d'arriver. Là. Non, puis écoute, hier au sein de l'organisation, on m'a dit que c'était pour être Éric Deslauriers, Carrie Jones, Watto, puis Patrick Boivin qui étaient pour assister à la réunion des directeurs généraux qui est prévue dans la région de Toronto le 7 janvier. Fait que ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux propriétaires probablement avant la semaine suivante, là, la mi-janvier, d'après moi. C'est un dossier qui traîne, mais qui traîne sans bon sens. Et les Alouettes ont beaucoup de défauts. Mais ce dossier-là, c'est pas de leur faute. C'est la Ligue qui mène ça tout croche, selon moi. Ouais. D'abord, on a eu Randy Ambrosi, là, qui vient justement du milieu des affaires, qui est supposé être un homme d'affaires chevronné, et qui a mené ça tout croche, qui a mené ça dans les médias. Souviens-toi, je pense, le premier ou le deuxième match des Alouettes là, à Edmonton, je pense que c'est le deuxième, il était sur le terrain avec l'équipe de TSN avant le match, puis les frères Lenkov en disant « c'est sur le bord d'être signé ». Là, ça prenait d'autres partenaires pour se joindre aux frères Lenkov. On a les gens de Claridge avec Pierre Boivin et puis Steven Bronsman qui sont arrivés dans le portrait vers la fin de la saison. Écoute, et puis là, on suspend le processus de recherche d'un directeur général parce que pour des raisons en lien avec la vente de l'équipe, mais il n'y a personne pour commenter. Et puis les Alouettes, c'est en quelque part, ils veulent pas commenter, puis c'est correct, c'est pas leur dossier. Non. C'est pas eux autres qui mènent la vente de l'équipe, c'est la Ligue. Puis à la Ligue, hier, ben, j'ai placé plusieurs demandes d'entrevue, puis on m'a même pas répondu. Non, alors, c'est vraiment décevant. C'est un dossier qui est très, très décevant, puis... malheureusement pour les gens. Du côté du baseball, ben moi je m'étais dit, je suis déçu parce que j'étais sûr que ça allait arriver cette année, la grande annonce. Les gens disent que, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le maire de Saint-Pétersbourg a dit qu'il n'était pas intéressé à financer le dossier un stade en garde partagée. Hier, la mairesse de Tampa a dit le contraire un peu, qu'elle était ouverte à ça. Comment tu vois tout ça, là? Ça devient mêlant, puis ça devient... Moi, je commence à être tanné de ce dossier-là. Ben, moi je commence à perdre patience dans ce dossier-là. Pas dans le sens que je veux plus voir de baseball à Montréal, mais dans le sens où là, je trouve qu'on s'engage dans une voie qui est sans issue. Moi, le dossier d'équipe partagée, personnellement, je n'y crois pas. Là, si ça arrive, ça arrivera, mais moi, je pense pas que c'est des conditions gagnantes pour Montréal. Et puis, moi, que Tampa arrive, là, puis que veuille financer, c'est bien beau, là, mais le maire de Saint-Pétersbourg, avec qui les Rays ont un bail jusqu'en 2027, il a dit, pensez-y pas avant 2028. Puis là, la mairesse de Tampa, hier, a dit, bon, on pourrait faire ça pour 2025. Attendez, avez-vous suivi le dossier un peu, là? Ça arrivera pas dans ces conditions-là. Moi, ce que je pense, cependant, comme je t'avais parlé au mois de juin, moi, je pense que ce projet de ville partagée, de garde partagée, c'est un show de boucan, que ça arrivera pas. Et je pense que c'est le moyen qu'on a trouvé pour forcer la main à la ville de Saint-Pete à négocier le départ des Rays. Ouais. Et je pense que l'annonce de Petersburg de refuser de négocier et d'obliger les Rays à compléter leur contrat, je pense que c'était l'étape suivante, logique, dans ce dossier-là. Alors là, moi aussi, je pensais que c'était pour faire bouger plus rapidement le dossier quand on annonçait ça au début de l'été. C'est pas le cas, là, faudra voir. C'est la prochaine étape, là, et puis c'est sûr que du côté du groupe de Montréal, mais il faut qu'on chante la même chanson que les gens ne t'aiment pas. Faut qu'on dise la même chose, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors, on peut pas faire autrement que de vanter ce projet-là présentement. Ah, regarde, mais on n'a pas entendu l'association des joueurs aussi. Puis ça, j'ai toujours pensé que c'est là que ça allait bloquer. L'association des joueurs, c'est, on a très peu entendu. Ce qu'on a entendu, c'est sur Twitter, des anciens joueurs qui ont dit que c'était pas l'idéal. Puis rappelle-toi les expos à Porto Rico, les comment que c'était difficile aussi. C'est épouvantable. Puis de toute façon, c'est sûr que cette question des joueurs, elle ne peut pas commenter tout de suite. Il n'y a aucun projet qui lui a été soumis. Oui. Mais on n'est pas rendu là, fait que. Il était pas chaud à l'idée. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que soit Steinberg, je sais pas ce que. J'ai parlé avec Mark Griffin, puis lui, il en tient pas compte. C'est les propos de Stuart Steinberg quand il a dit qu'il pensait pas que Montréal avait le marché pour soutenir une équipe à temps plein. Écoute, c'est un gars du comité exécutif du baseball majeur. Il y a juste ça qui m'inquiète un peu, que j'aime pas dans ses commentaires. Ouais, mais en même temps, là, qu'est-ce que Stuart Steinberg connaît du marché de Montréal? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas. Puis de toute façon, là, à Montréal, là, du côté de Montréal, la prochaine étape, là, c'est le rapport de la consultation publique de Montréal pour le terrain au Bas-Saint-Pile. Et puis là, il va falloir acquérir ce terrain-là. Parce qu'oublie pas que si ce terrain-là échappe au groupe de Montréal, tout le projet meurt dans l'œuf. Il n'y a pas d'autre place pour. C'est ça, quand est-ce qu'on va le savoir, frère? Ben, le rapport devrait sortir au début 2020, là, je pense fin janvier, peut-être début février. Ouais. Moi, je pense que pour les matchs des Yankees à la fin mars, là, au Stade Olympique, on devrait avoir une bonne idée de ce qui se passe avec le terrain. En tout cas, du moins, je l'espère. La boxe, comment t'as trouvé ça cette année? Ben, disons que je vais te parler des boxeurs québécois, là, parce que la boxe internationale, je la suis en dilettante parce que je ne la couvre pas, évidemment, là. D'abord, l'année a bien mal commencé. Rappelle-toi, là, c'était le contre-coup d'Adonis Stevenson. Au début de l'année, il est encore en situation très précaire aux soins intensifs dans un hôpital de Québec, l'hôpital de l'Enfant Jésus, si je ne m'abuse. Et puis, tu sais, là, ça reléguait vraiment au second plan la victoire en championnat du monde de Marie-Ève Ducaire, qui avait été acquise le même soir où Stevenson a fait la défaite contre Vosdick. Alors, tu sais, ça a commencé, là, vraiment pas de façon intéressante. Et puis, par la suite, ben là, le 2 février, on se rend au Texas pour le combat revanche entre Eliezer Alvarez et Sergey Kovalev. Puis, Eliezer Alvarez ne se présente tout simplement pas. Le pire combat est de loin de sa carrière. Kovalev a gagné ça une main dans le dos. Et puis, on se disait, ben, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis là, soudainement, ben là, Jean-Pascal, champion du WBA, champion intérimaire pour commencer, champion quand même. Et là, le 28, il va défendre sa ceinture contre Badou Jack, que les gens connaissent parce qu'il a livré, entre autres, un excellent combat à Lucien Boutier. Il y a déjà quelques années, hein, mais Badou Jack, c'est un adversaire assez redoutable chez les Milo. Un adversaire très valable. Jean-Pascal, encore une fois, qui ne recule devant aucun défi. Ah non, moi je l'aime, Jean-Pascal. Arthur Beterbiev, qui unifie les titres IBF et WBC, est allé battre Gvozdik. Finalement, l'année, plus l'année avançait, plus on avait des nouvelles intéressantes. Et puis là, ben là, t'as David Lemieux qui passe chez les 168 et puis qui nous rejette un peu sur le cul parce que, waouh, que ça n'a pas bien été, ce combat-là. Ça n'aurait pas été à Montréal, ce combat-là, je suis pas sûr qu'il gagnait. Écoute, des décisions controversées, on en voit partout, là. Quand j'ai revu le combat à la télévision, et que je, tu sais, avec les autres angles de vue, c'était plus serré que je l'avais au départ. Moi, j'avais 3 points d'avance pour. Tu me l'avais dit. Disons que 94-93 faisait plus de sens une fois que je l'ai revu à la télévision. OK. Mamoudov, c'est un boxeur moi que j'adore. C'est un boxeur moi que je pense que c'est le prochain champion du monde québécois. Je te parle là. Avant longtemps, je parlais avec Bernard Barré. Bernard, lui, il croit pas ça là, que Steven, que Camille Stéphane va l'attirer ici. Il dit les gars comme Deontay Wilder, ça se bat pour 35-40 millions. C'est pas 20 millions qui va les énerver. Là. Nous autres, on est tout énervés, mais il n'y a rien là, dans le fond. Là. Fait que. Mais tu le vois. Est-ce que tu le vois, champion du monde avant longtemps, Mamouda? Ben, moi, je le vois, oui, je le vois, champion du monde. S'il y a un an ou deux? Deux ans, là, m'a dit. S'il faut attendre deux ans. Ah, ça. places qui vont avoir été mal alignées ou bien que les champions vont s'être vraiment battus entre eux autres plus qu'une fois. Là. C'est possible aussi, là, à un moment donné, qu'il y ait des combats revanche, puis des unifications, puis ci, puis ça. Là. À un moment donné, il faut que Mamoudov grimpe les classements aussi là, pour valider un affrontement contre lui. Puis de toute façon, le risque est tellement élevé qu'il n'y a aucun champion qui va lui accorder une chance avant qu'il soit classé dans le top 15. Ouais. Mmh. Fait que là, à ce moment-là, ça doit prendre son temps aussi. Là. Mmh. Il faut que Camille Estéphane, de son côté, fasse son travail pour faire monter son boxeur dans les classements. Et puis ça, c'est l'autre ennui. Quand tu as un bon poids lourd, et on l'a vu dans une moindre mesure avec Oscar Rivas, là, je pense pas qu'Oscar Rivas a une moins belle carrière que Mamoudov, mais je pense qu'il est un petit peu moins bon avec ce que j'ai vu jusqu'ici de Mamoudov. Mais tu sais, Oscar Rivas, à un moment donné, quand il a été rendu à obtenir des combats significatifs, là, puis ça coûte cher les poids lourds, c'est compliqué. Mm. Il n'y en a pas tant que ça d'un niveau élite mondial. Yeah. Alors, tu sais, faut investir de grosses sommes chez les promoteurs. Oui, effectivement. Tant Yep Mamoudov. Bon, là, Camille et Stéphane qui dit qu'il veut payer 20 millions pour attirer Wilder ou Joshua ou Fury, ben, OK. Ça, je pense que ce que Camille cherchait vraiment à faire avec cette déclaration-là, c'est de faire parler de son boxeur. Et là, quoi de mieux pour faire parler ton boxeur que d'associer son nom avec celui de Tyson Fury ou Anthony Joshua? Ouais. Dans les moteurs de recherche, quand tu vas chercher Anthony Joshua ou Tyson Fury, tu vas voir le nom de Mamoudov qui va rentrer dans les recherches maintenant. Alors, c'est une bonne façon de placer son boxeur dans les mêmes actualités que les deux autres. Là. Ouais. Steven Butler, au moment où on enregistre le podcast, les Butler se préparent pour le Japon. On dit que c'est un combat. Écoute, ce ne sera pas facile d'aller au Japon. L'expérience, quoi, c'est bien figuré? Mais, écoute, moi je pense, j'ai pas vu, j'ai pas encore commencé mon travail de recherche sur, j'ai un blanc là, Murata. Ouais. Et je regarde sa fiche, je regarde les adversaires. Comme je te dis, j'ai pas vu les combats encore, j'ai juste regardé sur papier. Moi, je pense qu'il est prenable pour Steven Butler. Okay. T'sais, de tous les champions de cette division, je pense qu'on a bien choisi notre cible du côté de Eye of the Tiger Management et de Golden Boy. Hein? Faut pas oublier que Butler, il est aussi en co-promotion avec Golden Boy. Alors moi, je suis pas convaincu qu'on n'aura pas une autre ceinture de champion du monde le 23 décembre là, qui va s'en revenir au Québec. Surtout qu'au Japon, Fred, semble-t-il que ce sera en Angleterre, tu sais comment que les juges sont c'est pas facile, en Allemagne aussi. Ça a l'air qu'au Japon, les juges sont assez neutres là. Ils sont très, de ce qu'on a entendu là, il y a pas de crainte de ce côté-là. Là. Ouais, ben j'ai entendu ça, moi aussi. Je peux juste me fier à ce que j'ai entendu parce que honnêtement, je me souviens pas du dernier combat en sol japonais. Non, moi non plus. Ouais. Regardez. Fred, moi, j'ai deux choses. Je vais juste en parler de une. C'est Bianca Andreescu qui est mon coup de cœur de l'année. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Hein. C'est phénoménal. Oui. Et puis, elle a gagné avec raison le trophée Lou Marsh qui est remis à l'athlète de l'année. Je pense que c'est le Toronto Star qui donne ce trophée-là. Et puis, la semaine prochaine, on va avoir les résultats pour le trophée Bobby Rosenfeld qui est donné par la presse canadienne pour l'athlète féminine de l'année. Je suis pas mal certain qu'Andreescu va être dans les finalistes si elle ne l'emporte pas. Mais je vois pas qui d'autre sur la scène canadienne pour porter ce trophée-là. Brooke Anderson n'a pas été aussi dominante que Bianca. Là. Ah non, écoute, Brooke Anderson est une superbe athlète, une excellente golfeuse, la plus grande golfeuse canadienne de l'histoire, mais elle n'a pas connu l'année 2009 que Bianca Andreescu a connue. Fred, tu peux m'en faire une pause, puis je vais te demander en 2020 ce que tu prévois. Donc, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de Frédéric Degg sur les ondes de danradiosport.com. L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Doulbeau-Mistassini. Les propriétaires, M. Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'usinage numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 418-679-4194. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. 2020 sera une année olympique, donc j'imagine que tu vas aller à Tokyo. Qu'est-ce que tu vois en 2020 à peu près dans le monde du sport? Ben écoute, nous autres, à la presse canadienne, c'est pas déterminé encore qui va aller à Tokyo. Je dois t'avouer que moi, je serais un peu surpris si j'y allais, là. Je suis allé à Rio. C'est peut-être pas à mon tour pour ces Jeux d'été-là, mais peu importe. En 2020, écoute, si je te parle des sports que moi, je couvre, là, moi, je m'attends à ce que le dossier des expos avance. Il avance pas toujours dans le sens où on voudrait. Mais 2020, ça va être une année charnière. Là. C'est pour que l'achat du terrain se concrétise en 2020. Et puis, à un moment donné, qu'on l'aime ou pas, faut que le plan des Villes-Sœurs, il faut qu'il y ait un dénouement, mais qu'il y ait une progression là-dedans. Si c'est la voie que les deux groupes, c'est-à-dire celui de Tampa et celui de Montréal, préconisent. Ouais. On verra. Est-ce que le plan va changer en 2020? Parce que, tu sais, quand on s'est parlé à la même date l'année passée, on n'avait jamais vu ça venir, ce plan de ville partagée là. Au niveau du football, moi, écoute, je m'attends à toute une saison des Alouettes de Montréal. Je m'attends à ce qu'on corrige les lacunes peut-être qu'on avait en défensive cette année. On n'avait pas de pourchasseur de corps digne de ce nom à les Alouettes. Tu sais, j'aime beaucoup John Bowman et j'ai beaucoup de respect pour la carrière qu'il a et qu'il a eue. 37 ans. Quand c'est ton numéro un pour mettre de la pression sur le corps adverse, c'est un peu dans le trouble présentement. Alors moi, je m'attends à quelque chose là, c'est 12, 12, 6, 13, 5, là, ce genre de saison-là pour les Alouettes. Surtout que l'Est est pas... Mais là, c'est sûr que dans l'Est, maintenant, tu vas avoir Toronto qui va peut-être revenir. Puis moi, je pense que Pinball Clemens va faire une belle job avec les Argonauts de Toronto. Hamilton est fort. Ça va être plus serré dans l'Est. Toronto va sortir, moi, je pense. Peut-être, mais ça, il reste toujours Ottawa. Puis moi, je pense que les Alouettes, là, ont perdu leur complexe l'année dernière. Et puis, on va le voir sur le terrain l'année prochaine. Et puis, à la boxe, écoute, mine de rien, on va peut-être se ramasser avec 4 champions du monde dès le début de l'année si Butler l'emporte et si Jean-Pascal conserve sa ceinture. Que là, on a Dicker et Peterbiel. Et puis là... Klim Clavel aussi va peut-être se battre en combat de championnat du monde aussi. Klim Clavel, oui, elle vient de gagner un championnat NABF chez les Mi-Push. Alors, c'est un... c'est une boxeuse là, qui est en ascension, elle aussi également. Et puis là, t'as toutes les autres. T'as, on vient de parler de Butler. T'as Lemieux qui vient de changer de division de poids. Lui aussi, ça va y prendre un autre combat tôt dans l'année pour répondre aux questions qui n'ont pas été répondues pour son affrontement contre Bursack. T'as Ulysse. Bon, Ulysse a déçu son dernier combat en décembre. Ça veut pas dire que sa carrière est finie. T'as Christian Mbili qui s'entraîne sous Mark Ramsey, lui aussi, qui va très bien. T'as toute la filière russe et kazakh de Eye of the Tiger, les Mamoudov, les Tsukembayev, tous ces gars-là, Sadridine, Akhmedov, tous ces gars-là, là, ils sont vraiment proches, là, de combat pour des ceintures. Moi, je pense, puis du côté de Jim, ben, t'as Alvarez qui se bat, Eliezer Alvarez, possiblement pour un combat éliminatoire le 18 janvier contre Michael Seals. Là, on a fait la demande pour un combat éliminatoire. On devrait avoir une réponse dans les prochains jours. T'as Oscar Rivas qui devrait se battre à la fin janvier en Floride. Alors, eux autres aussi, là, leurs boxeurs reprennent le collier. Et puis, évidemment, t'as Dicker qui pourrait avoir un très, très gros combat sur une grosse carte. Un combat d'unification contre Raquel Miller au mois de mars. C'est DAZN qui vise une carte toute féminine, 8 combats championnats du monde féminin qui auraient lieu à Madison Square Garden. Ça le mettrait carrément, là. Ça mettrait carrément la boxe féminine parce qu'on a besoin. Je trouve ça de valeur. Parce que Marie-Ève, je trouve ça de valeur. C'est sûr que c'est pas une cogneuse, mais tout ce qu'elle a de beau modèle, elle est belle, elle est jolie, elle s'exprime bien. Tu sais, je comprends pas qu'elle lève pas, mais ça, c'est peut-être la boxe québécoise. Puis à quelque part, la boxe féminine. Puis les combats de 2 minutes, les rounds de 2 minutes au lieu de 3 minutes, je pense. Faudrait peut-être uniformiser ça. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Ben écoute, au niveau amateur, là, les sélections canadiennes ont lieu présentement à Montréal. Et puis les filles livrent des combats de 3 minutes. Je comprends que c'est des combats avec des casques, c'est pas la même grosseur de gants. C'est au total des points, c'est pas des tirantes. Je suis tout d'accord avec ça. Mais ils sont capables de le faire chez les amateurs. Pourquoi? Tu sais, les gars, quand ils commencent chez les professionnels, ils commencent par des 4 rondes, puis après ça, des 6, des 8, des 6. Les femmes seraient autant capables de déployer l'énergie nécessaire pour des rentes de 3 minutes, à mon avis. Ouais. Fred, merci beaucoup. Fort agréable, encore une fois, pour toi. Merci beaucoup de ta collaboration. C'est fort apprécié. Je te souhaite une bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur avec toi et ta petite famille. Puis au plaisir de se reparler en 2020. Hey, merci beaucoup, Danny. Des joyeuses fêtes à tes auditeurs et à toi. Puis on se reparle au plaisir de se reparler en 2020. Frédéric Degg de la Presse canadienne.